émission. Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock. 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Gizmo. C'est reparti pour une nouvelle soirée. Bienvenue, le Planète Rap avec Monsieur Gizmo. Gang. Comment va? Ah, ça va, hein. Dans ta ruche? Dans ma ruche, toujours. Aïe. Il y a mon tonton en bas. Ah, il y a mon tonton démon cousin. On est sauvés en même temps, hein. Si démon est là, on est sauvés. Avec son fils en plus. C'est impeccable. Démon One qui est là, qui fait son arrivée, qui vient certainement de saluer. Quelqu'un que ouais, t'aimes bien, que t'admires dans le rap français. Hein, qui est mon grand frère, qui est surtout un poteau très proche de Willy, tu vois ce que je veux dire. Willy, il a eu. Willy qui est là, qui a voilà, qui est à mes côtés toujours. De toute façon, Willy, il a eu un toujours passé. Sur ta droite, j'ai remarqué. Il a eu un passé un peu gangbang. Moi, je suis son bras droit. Un passé un peu gangbang avec des membres de la Veuve à Quinfri. Ça veut dire que. C'est la famille. Voilà, hein, c'est ces gars. Et Démon, il n'y a pas du champagne. C'est mon gars sûr. T'es un bon imitateur du rap français, quasiment. Hein. Ah. T'imites bien le rap français, en fait. Ouais, j'imite méga bien, moi. Bah ouais. Surtout Démon, c'est un vrai du rap. C'est mon gars. C'est un mec. Et surtout, tu sais, Fred, c'est un mec. Moi, quand je dormais dans la rue ou dans des caves, ça me remontait le moral de savoir que quelque part dans le 9-4, il y avait un rappeur que j'écoute tous les jours qui dort aussi dehors comme moi. Tiens, regarde, il fait son entrée au moment où tu parles de lui. Aïe. Pas tout seul. Aïe. Ça a démon. Il manque plus que cher. Donc c'est le Planète Rap Gizmo qui s'ouvre avec l'album qui est toujours numéro 1 des ventes, hein, l'album de Gizmo. Vous êtes nombreux à le soutenir, à le supporter. Tu vas être content, Gizmo. Tu te réveilles tous les matins, tu vois que t'es numéro 1. Ouais, c'est plaisir, non? Énervé, frère. Bon bisou. Allez, petit bisou à toute la famille qui est en train d'arriver dans le studio. Vous pouvez mater les images, c'est sur le Skyrock FM. Mais pendant ce temps-là, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission pour cette première avec Gizmo. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Tout va bien dans ta ruche? Ouais, ça va dans ma ruche, au calme. Bon, au c'est calme. Vrai qu'on t'avait laissé, tu sortais à l'époque un album tous les 6 mois. Ouais, mais là j'ai pris mon. Là t'as pris un peu plus de temps. Ouais. Ben, c'était bien, c'était un break dont j'avais besoin, reprendre un peu d'inspi, tout, tu vois, retourner aux sources, comme on dit. Elle est bien cambrée, je vais la serrer comme dans une boîte à sardines. 6h du match, la tartine. 8h du match, la tartine. 9h du match, lui dit dans 15 minutes, faut que tu sois parti. Chant ma tête. Je sens ma tête, ouais. Qu'est-ce que t'as fait alors pendant tout ce temps, évidemment? J'étais dans ma ruche, gros. J'avais besoin d'être dans ma ruche. Là, t'es dans quel état d'esprit d'ailleurs? Tu l'as fait comment cet album? Ça dépend. Franchement, vu que j'ai mis du temps, il y a des moments j'étais bien, des moments j'étais vénère, des moments j'étais triste, tu vois. Il t'a paru compliqué à faire celui-ci? Pas forcément compliqué, c'est autres. Ce qui se passait en même temps. Tu vois, dans ma vie privée, pendant la conception de l'album qui était mouvementée, tu vois. Allez, session freestyle par téléphone, c'est parti. Ok. C'était hier soir dans Planète Rap. Hey, le petit Bugs Bunny, 1-5. Ça fait 1. Il a la rage et des lacunes à fuir. Le petit veut pas des cams, il s'accrame et c'est un dur à cuire. Il veut pas fuir les thunes à venir. Il est frère qui s'abîme, rêvant d'échelle au pied de l'abîme. En échec dans les études de l'avenir. Il dit que les gros chèques c'est après. Il vaut la paye du trompeur sans décrocher le CAP. Hey Bugs, mon sou. Bugs, ouais. Franchement, t'as arraché ça, Igo. Jeudi, est-ce que d'accord. Tu peux être là? Ah, jeudi, je serai là, ouais. Vas-y, jeudi, tu connais, 19h45 devant la radio, rendez-vous. Planète Rap, le freestyle. C'est dans la merde, j'avais pas un clou. Tout est dans ma tête, je les passe d'un fou. J'ai mes tasses de nuit et mes tasses d'un jour. Ça traîne dans la ville avec 4 d'un coup. Je suis dans ma tête, sinon j'habite pas 5 clous. Ça fait du feu, les types tapent un foot. Azulé dans la street avec un tapin, je roule. Ah, ouais, je te weed et puis je pars d'un coup. On fait que du salut pour ramasser tout le wali. J'ai rempli les salades que mes demandes à Paris. J'ai vendu les grammes, mais j'ai pas. Et mon âme pour éviter les drames et les femmes que j'ai salies. Planète Rap. Ouais. Cousin, je vais avoir 24 ans, je suis plus un gosse. J'aime bien ton instru, Hugo. Mais bon, sans ma tub, ouais. Sans ma tub, ouais. Tu peux pas avoir le gizmo si t'es pas dans les vrais coins. Des fois je baisse, des fois je tisse trop. Des fois je dièse, des fois je dis de moins. Je suis un de ces négros qui a tout pigé. Maille sur le déco, j'ai tout criqueté. Barrette de bédo, ramène le cello. On raquette le zéo et vous quittez. Va longtemps, c'est pas comme dans les films. C'est pire que Boys in the Planet Rap. Voilà, c'était hier soir dans l'émission entre 20h et 21h avec Gizmo. Ouais, ouais. Et on rappelle évidemment avec cette petite reprise du morceau de la crime. Ouais, mon évidemment, gars, ça n'a rien mon à gars, voir. Mon gars que je connais pas personnellement, mais mon gars dans la musique, tu vois, il fait du bon boulot. Et rappelez que c'est un délire et rien à voir avec un clash ou je ne sais quoi. Une non, mais moi, les clashs, je suis sorti de ça depuis que j'ai 20 ans, ça y est.

je l'aime beaucoup, c'est mon habibi. J'espère que de là où il est, il m'entend, Inch'Allah. Cousin, garde la chepée, on est ensemble, ça bouge même pas. Momo, Momo, we love you. Grosse dédicace à Jeff aussi. Grosse dédicace à Diegos et à toute la première division de Fren. Vas-y, dédicace à Sadio aussi. Et dédicace à tous nos frérots qui sont au placard, qui tournent trop, cousin. Libérez-les, mon frère. Ça part en couille des fois parce qu'il y en a un qui a une diarrhée et qu'ils sont dans une triplette ou en quadruplette. Ça part en couille dans la cellule. Libérez mes frères, bande d'enculés. Gizmo dans ma ruche à l'instant sur Skyrock. T'as écouté d'ailleurs hier soir D-Fool ? Tu sais qu'il avait un invité. Il y a Thomas Njijol qui est passé. Bah ouais, il est passé. Moi, je leur ai dit de lui passer le salam. Mais après, le truc, c'est que moi, je suis rentré à la ruche. J'avais 2-3 trucs à faire. Et bien, je pouvais pas écouter, frérot. Comme tu es rentré à la rue, dans ta ruche, ouais. Écoute ce qu'il a dit sur toi. Ok. Alors là, je vais appuyer sur un truc que j'aime bien. Alors t'appuies sur un truc que t'aimes bien. Que j'ai entendu et que je trouve très intéressant. Ouais. Ah, il est l'invité de Planète Rap cette semaine. Il est dans Planète Rap tous les soirs avant nous, là, entre 20h et 21h. Gizmo, ouais. Bonjour. Ah ouais, putain, oui, il nous a dit j'écoute, si vous le dites pas. Moi, je leur passe le bonjour. Bah, tu lui diras demain que je leur passe le bonjour et que je trouve ce morceau très intelligent. Voilà, Thomas Njijol, petite réaction, c'était hier soir chez D-Fool, dans la radio libre entre 21h et minuit, donc a priori, tu vois, il est... La classe à la masse. En plus, c'est même pas que tu lui passais le bonjour, il avait carrément oublié l'équipe, ouais. Donc voilà, il a... Les enculés. Tu régleras ça avec eux tout à l'heure. Non, jeudi en live, t'inquiète pas. Ah oui, même c'est vrai, oui, tu débarques aussi dans... Je vais taser sa race, tu vois. Dans la radio libre entre 21h et minuit. En tout cas, on salue Thomas Njijol qui est en spectacle, je sais pas si tu l'as vu en spectacle, mais... Ouais, non, énervé, c'est mon gars. C'est mon gars. Son classique, ça restera toujours l'être cousin de Jackie T là. Ça. Non, c'est mon gars. Et puis les films. Et en plus, moi, je suis un Jackie T. Je m'appelle Lamine Jackie T. Ça veut dire que quand j'ai entendu la lettre de son cousin Jackie T, j'ai dit ah non, il est chaud. Il est chaud. Le Fast Life, le Crocodile du Botswana, ouais. Et puis tous les films qu'il fait aussi. Frérot, il y a un morceau, je pense que tu l'as reçu dans ta boîte que j'aimerais passer pour deux raisons. D'une, parce que le clip, il est magnifique. De deux, parce que j'ai bossé avec ce mec qui s'appelle H Magnum, tu vois. Il m'a réalisé deux morceaux qui étaient censés être dans mon album, qu'on n'a pas sélectionné, pas parce qu'ils étaient pas bons, mais parce que les gens n'étaient pas prêts, tu vois. C'est un gros visionnaire. Et en tout cas, moi, c'est un mec que je respecte humainement, artistiquement. Et lui aussi, c'est mon gava sûr. C'est quoi, c'est un morceau que tu nous as filé? Il s'appelle Gotham City. Il est même sorti. Ah, le morceau carrément. Gotham City? Voilà, exactement. Bon, on va le récupérer. Tu sais qu'on va le récupérer avant 21h. Voilà, exact. Et je tiens aussi à passer un gros salam à Karim Fall, aka Lefa. Mmh. On est ensemble, on est gros, ça bouge pas, voilà. Encore désolé d'avoir dévalisé toutes les bières de votre loge à l'époque. J'étais jeune et fou. Fougueux, ouais. Bon, on écoute un morceau de ton album, Gizmo, en attendant. Ouais. Lequel? Moi, j'aimerais bien qu'on écoute Demain c'est mort. Demain c'est mort? Ouais. Et ben, on le balance maintenant. C'est extrait de l'album Dans ma ruche, qui est dans les bacs, qui est numéro 1 des ventes actuellement. Gizmo, YKW, JP Gangs, man, 9-4, ma ruche. Invité toute la semaine. Yo. Yo. L'encre coule, le sang se répand. Les frères vivent en marche, fils finissent en cage, leur avenir finit saccagé. Nos bâtiments le soir, c'est ça nos vies. On s'atrophie l'esprit avec le shit et d'autres saloperies. Depuis que la baraka est partie, ça fait des bagarres à 10 contre 1. On se croirait dans un géant Paris ou Marseille. Dans le fond, c'est la même. On s'éternise à faire du fric car il en faut plus que la veille. Certains papas ont fait leur valise pour retourner au village ou bien en divorcer. Voilà un petit bout de ce qui nous a. Arrive l'arrivée, chez nous c'est tout ce qu'on vise depuis le départ. Et vu qu'ici y'a pas les loaves, constamment on se nourrit d'espoir. On ne cesse de saliver devant les causes de riches et autres fortunes. Quatre supérieurs, Gianni Versace sur le costume de flics ou de racailles sont de sortie. Les gars ou pas, les deux travaillent donc ce sera morbide. Sont les allées que l'on fréquente, on a des rêves de monter haut. Même quand on part pour une descente, je vois les petits frères s'enliser. Certains se cachent pour se mettre sous flash, ne vivent que pour s'en. S'enivrer, s'empirer, encore et encore, aller flamber devant les gadgets qui veulent décoller en or. Mais c'est pas la vie ça, même si c'est plein d'aléas. Je pense à ceux qui se sont dit, je veux tout plaquer, allez hop, allez. Des gaines de fatigués, on traîne sur la vue, comme des chiens qu'on pas vu. Que la fourrière allait les embarquer, entasser. Trop souvent passer des nuits au poste. Et je parle pas de l'AFM, mais de celui qui laisse des bosses. Au RMI, on fait des mioches que la DAS veut placer. J'en connais plus d'un qui dirait que c'est moche et demain c'est loin. Mais de toute façon on s'en fiche. On veut tout niquer, grimper à la tête de l'affiche. Ouais, demain c'est mort, mais on s'en fout, on est têtu. À quoi bon se projeter si c'est pour être déçu? Ouais, demain c'est loin, mais de toute façon on s'en fiche. On veut tout niquer, grimper à la tête de l'affiche. Ouais, demain t'es mort, mais on s'en fout, on est têtu. À quoi bon se projeter si c'est pour être déçu? Mais demain c'est loin, alors sur le coup on n'y pense pas. Je crois qu'il y a des plaies que les hôpitaux ne pensent pas. Je te parle de frères et de sœurs qu'en ont trop vu. Je te parle de pères en détresse qu'en ont trop bu. Et peu importe la boisson quand t'es empoisonné, la moins forte des boissons peut empoisonner. Prisonnier de nos destins pas si roses, victime du cancer, du poumon et de la cirrhose. Et la poisse nourrit au nez, pas de sous pour réveillonner. Les durs s'en sortent alors les sentiments sont baillonnés. La veille on était en vie, demain on sait pas trop. Et peu importe le physique, par chez nous on s'appelle gros, gros. C'est comme ça qu'on veut le compte en banque. Marre de manger des briques et de voir qu'on est en manque. Sky et basse daga, la maille passe la moi. Tu connais déjà les ra tcha tcha tcha tcha tcha. Voyons, c'est pas la fin, on peut tout faire tant que nos mères sont en vie. Croyez-moi, on peut tout perdre, perdre. Trop souvent, c'est le cas, faut s'éloigner de tout pour tenir le cap et revenir debout. La recette, on n'est pas né avec, on l'apprend. Autant que la perche ne se demande pas, on te l'attend. Attends, de toute façon, on a l'habitude de mener la vie dure, voir les proches vautrer sur le bitume. Demain, c'est loin, de toute façon, on en parle plus tard. Malgré les fautes, on est passé par le plus tard. Demain c'est loin. Demain c'est loin. Demain c'est mort. Demain c'est mort, frère. Et demain c'est loin, mais de toute façon on s'en fiche. On veut tout niquer, grimper à la tête de l'affiche. Ouais, demain c'est mort, mais on s'en fout, on est têtu. À quoi bon se projeter si c'est pour être déçu? Et demain c'est loin, mais de toute façon on s'en fiche. On veut tout niquer, grimper à la tête de l'affiche. Ouais, demain c'est mort, mais on s'en fout, on est têtu. À quoi bon se projeter si c'est pour être déçu? Ouzou, Kizi, coucou, Sissi, pour les miens et tous les autres comme d'hab. Yoni, Willy, Willy, Yoni, merci. ZS, motherfucker, c'est Mr. Motherfucker. Rémi, Rem, les mains fées. Ouais, merci. Yeah. Demain c'est mort, frère. Demain c'est mort. Demain c'est mort, gros. Gizmo à l'instant, petit clin d'œil aussi au morceau classique d'Ayam, hein. Demain c'est loin. Bien sûr, dedans. Pas un clin d'œil, hommage carrément. Hommage carrément. Bah ouais. Ça fait partie des morceaux qui t'ont bercé, ça. Bien sûr, mais au-delà de bercer, qui m'ont appris à Pera, tu vois. Je veux dire, ouais, hommage, hein, hommage Fredo. Demain c'est mort, c'est extrait de l'album Dans ma rue. Je rappelle aussi qu'il y a une version collector de l'album, hein, qu'on peut acheter. Ouais. Moi j'ai eu la chance, j'ai eu la casquette. À ce qui paraît, c'est pas tout le temps les mêmes casquettes dedans. Non, il y en a 22. Il y a 22 modèles différents. Toi t'as eu la chance de tomber sur celle qui a sorti avec tes mics et ta table. Franchement, ouais. Méga chance. Grosse chance. Gizmo dans ma ruche, la version collector est dispo. Sinon l'album est aussi dispo en ligne, hein. Allez-y, n'hésitez pas, il est numéro 1 des ventes pour l'instant. Numéro 1, mon gars, va. Et ça continue. Et tout à l'heure on disait, voilà, tu saluais aussi, tiens, comment parler des gens classiques, intouchables, avec Demon One qui est là, qui est dans bien le coin. Bien sûr. Bah ouais, Demon. C'est viens nous dire mon un petit mot sur Gizmo, tonton sur. Hakim. Bonsoir. Ça va, Demon, enfant? Ça va pas de bien. Enfant? Ben, ouais, ça va, tranquille. Bon, un petit mot sur Gizmo, quelqu'un que t'apprécies, toi, justement, de cette nouvelle génération? Ouais, bien, je kiffe. Je kiffe ce qu'il fait. J'aime bien aussi, voilà, le barge, tout, c'est la famille. Et tout à l'heure, j'étais impressionné quand il disait qu'il a 23 ans, il a sorti 5 albums, et j'ai 39 ans, j'ai même pas sorti 5 albums. Tu vois, donc. Bon, en même temps, c'est pour 2015. J'aime bien ce qu'il fait, ça me rappelle un peu à l'ancienne, au niveau instrumental, au niveau de la façon comment il pose, tout ça, tout, tu vois. Alors, à l'ancienne, il y a différents types, avec Hidalgie, tout, c'était à peu près, voilà, dans ce délire-là, tout ça, tout. Donc, ça aussi, c'est des albums que t'as dû saigner, différents types, Gizmo, c'est des albums qui doivent te parler, ça, de la grande époque. Ouais, bah, je me suis tué, moi. Moi, je me suis tué, hein. Je me suis tué, franchement, que après tout, en fait, je me suis tué à tout ce qui est devenu en 5 ou 6 ans la mafia qu'un flic. Tu vois, parce que eux, ils marchaient ensemble, tout, mais la mafia qu'un flic, c'est pas né comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi-même, avant la mafia, je savais déjà que, tu vois ce que je veux dire? y avait du potentiel là-bas. Mmh. C'était le 2001 Zoo, on écoutait. Moi, ouais, qu'il y avait différentes personnalités, quoi. Tu vois, j'ai beaucoup grandi dans le 9-2, mais je suis né dans le 9-4. Là, j'habite dans le 9-4 même. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est, et le rap du 9-4, il est particulier. C'est comme si tu dis le rap parisien. Tu vois, ils ont quelque chose de propre à eux. Tu vois, un mec du 9-2, il va rapper, il peut rapper comme tout le monde, international, un mec du 9-1. Les mecs du 9-1 aussi, ils ont leurs petites pattes. Mais il y a beaucoup, tu vois, 9-3, peut-être ils vont trapper, ça se ressemble, machin. Le 9-4, c'est vraiment, tu sais, il y a une espèce de sueur dans le rap, un truc chelou qui te met des presque des frissons dans le dos quand t'écoutes ça, tu vois. Et moi, j'écoute ça depuis petit, et c'est pour ça que je respecte énormément le travail de Démon et de beaucoup de gens de la mafia, tu vois. Mais tu vas être content, il revient en 2015, Démon. Inch'Allah. Ce que tu nous as dit, hein, 2015, Démon. Inch'Allah. Voilà, c'est ça. L'année prochaine. Album solo. Courant avril, mai. Et puis, par la suite, album d'Intouchable aussi. Voilà, à voir. Par la suite, voilà, Inch'Allah. Dans les années à venir. On va revenir dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on met, Gizmo, comme morceau? On peut mettre dans le Zoo. Il est énervé, lui. Tu fais du live aussi ce soir? Ouais, bah toujours. Tu me connais. Et bah, bougez pas dans un instant. C'est le retour du Planète Rap de Gizmo après ça. You listen to Skyrock. Comme toi. Gizmo a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Gizmo dans Planète Rap avec son album Dans ma ruche qui est dans les bacs. On va mettre un morceau dans quelques minutes, un morceau extrait de ton album. Et juste avant, c'est vrai qu'on avait promis un titre d'H Magnum. Ouais, un titre de H Magnum. C'est le morceau prohibé. Ouais, c'est le morceau. Ah, très gros titre que j'adore. C'est le morceau prohibé, mais en fait, je me suis mélangé les pinceaux. J'ai dit que c'était Gotham City. Et Gotham City, ouais, Gotham c'est City, c'est le nom de l'album. Ouais, je suis trop con, en fait. Mais en ouais, même temps, il y aura peut-être un morceau prohibé qui s'appellera aussi Gotham City. Hein. Ouais, bah, éponyme, j'espère. Bah, en déjà, tout cas, je crois que tout l'album, déjà, c'est dans un univers Gotham City, tu vois. Comme Gotham City, c'est d'où il vient, sa ville en Afrique, là, je crois, c'est en Côte d'Ivoire, c'est ça? Et il a fait un super beau clip chez lui, il faut le regarder. Ah, le moi, clip, j'étais très ému, ouais. Ouais, franchement. Le premier extrait d'ailleurs de son album qu'il a balancé. Deuxième. Bah ouais, il y a eu Idem avant. Il y a eu Idem. Idem, mais moi, je parlais d'Idem en fait. Ouais. Il m'avait délaissé. Turis aussi. C'est une dinguerie. Bon bah on va écouter, donc c'est un morceau qui s'appelle Prohibé. Ouais ouais. Quelqu'un avec qui t'as bossé mais qui figure pas sur l'album, hein, c'est ça ce que tu nous disais, Gizmo. Mais ça veut dire qu'il y aura peut-être par la suite d'autres collaborations. Je pense que, en fait, en vrai de vrai, je pense que les gens ils étaient pas prêts à ce qu'on a concocté ensemble. C'était un cocktail explosif mais qui risquait de tout exploser trop vite, tu vois. Donc fallait doser un peu. Allez, on balance ce morceau maintenant. Ouais, grosse dédicace à H Magnum encore. Si tu veux voir ma peine. Augmente juste les décibels. Tu payes le prix de ma vie. T'as aussi vu ton sang sur mes Nike Air. Je veux partir là mon père. J'ai vu ta foi et les décibels. Je fais le tri mais le mal comme une putain d'ex qui me harcèle. Le néant quand je me projette, envie de me poser. Je l'ai aidé mais je n'ai pas son aide. Résultat des enragés, plus les mêmes projets au bord du crime passionnel. Si tu veux voir mon père, suis-moi très loin d'ici frère. Dans ce putain de bidonville surnommé Gotham City. Je t'ai pas né comme mon terre. Certains sont charmés par Lucifer. J'entends des cris dans la nuit, c'est encore un de nos reflets qu'on enterre. Profondément j'ai creusé, ne jamais oser. Mentalité chez les rationnels. Refrais la rue m'a rôdé, j'aurais pu crever. Moralité c'est chacun son heure. Grandi parmi les pimpons, je suis parano dès que quelqu'un sonne. Je peux tout plier sur un son. Car j'écris mes textes au pinceau. Yeah, yeah, yeah. Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont regardés comme on sait? Tellement de la rue qu'on fait pas pitié. Je côtoie le crime, je n'en suis pas fier. Pourquoi tu te sens menacé? On récolte ce que l'on sème. Dans l'épaule Dieu t'a acquitté. Tu prends des thunes mais t'oublies qu'un jour ou l'autre tu te fais remonter. Aussi noir que mes terres, je viens de là où tout est possible. Ici nos vies est polar, là où les plus faibles se suicident. Grandi parmi les pimpons, je suis parano dès que quelqu'un sonne. Je peux tout plier sur un son. Car j'écris mes textes au pinceau. Yeah, yeah, yeah. comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Grandi parmi les pimpons, je suis parano dès que quelqu'un sonne. Je peux tout plier sur un son, car j'écris mes textes au pinceau. Yeah, yeah, yeah. Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Total City. C'est Skyrock et à l'instant le morceau prohibé, morceau d'H Magnum, H Magnum avec qui t'as bossé, on le disait juste avant, Gizmo. Et pendant le morceau, quand même une énorme surprise qui vient d'arriver dans le studio. Ah. Ouais, on est sous weed. Oui, et puis là, je peux vous dire que ça va pas s'arranger en même temps. My fucking Redman. Redman qui est là avec nous, il sera en concert demain soir. Il y a un concert d'ailleurs qui est prévu à Paris, Method Man Redman demain soir au Cabaret Sauvage. Et là, je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Monsieur est là, il est là, celui qui nous a fait rêver, qui nous a ambiancé, celui qui est pareil, qui a dû te mettre des claques aussi musicalement. Gangst. Musicalement, cinématographiquement. Le fameux Hawaï. Devant Hawaï. Hawaï qui est un film juste énormissime. Bah tiens, file ton casque. Ouais, ouais, c'est mieux. File ton casque, hop. Hello Redman, how are you? Hey, what's good, how are you? Fine. It's okay? Yes, yes, I'm good. Alors, yes, pour, yes. Pour la traduction, demande-lui s'il se sent bien ici. Si how you feeling here? How you feeling here right now? I'm good. Demande-lui s'il n'y a pas trop de fumée. Not too much smoke in here? It's okay? Yes, a lot of smoke. This is the first time I smoked at a radio station in a long time. This is great. Bah, Eddie, en fait, c'est la première fois que je fume dans une station de radio depuis longtemps. Yeah, et dis-lui qu'ici, en plus, on peut tout dire. Donc, you can say anything you want here. Yeah. So okay. Oh yeah, cool. That's great, that's great. Bon, on est super content. Est-ce que tu connais Gizmo? Est-ce que tu as entendu parler de Gizmo? Do you know Gizmo? Have you heard of him before? No, I haven't heard of Gizmo, but I just met him. Ah, je l'ai pas encore entendu, mais je viens de le rencontrer. Yeah. Voilà, c'est il a sorti déjà 5 albums. He's released 5 albums already. Oh wow. Oh wow. Wow. Okay, yeah. And I'm 23, nigga. Wow. Nice. Nice. I'm about that shit. Et son dernier album s'appelle Dans ma ruche. His latest album is called In My Street. Nice. Dans ma ruche. Comment What do that mean? In my hood, in my street. On my block. My hood. All right, cool. That's hot, Jay. Ah bah on va enfiler un Redman pendant que Gizmo récupère. Yeah. C'est vrai que d'un seul coup, ça s'est enfumé de nouveau, en fait. J'ai roulé en Royal. C'est la première fois que tu le rencontres aussi. C'est un acteur. Ouais, c'est la première fois qu'on se voit, frérot. Et je suis content de le rencontrer avec autant de bœufs, autant de fonce dés. Tous mes négros sur autour de moi. Je respecte son boulot à mort. He's happy to see you with all this weed around him as well, and all this smoke and all these friends around him. He's really happy to see you in that environment. Yeah, that's good, because that's where we belong, in a smoking environment. C'est l'environnement dans lequel on appartient, d'ailleurs, c'est bien. Yeah, c'est ça. Dédicace à tout le monde, tous ces gars, même Method, le Wu aussi. Et ouais, ça fait plaisir, frérot. Franchement, c'est un honneur de le recevoir. Send hello to all your team and all your crew and stuff, and the Wu-Tang and stuff. Absolutely. Thanks a lot, brother. Bon, alors, donc là, Paris pour un concert demain soir, hein, c'est so ça you're live tomorrow night in Paris. Yes. What's the spot? Cabaret. Cabaret. Yeah, we at the cabaret. Cabaret Sauvage. Yeah, absolutely. Wild cabaret. Yes. We usually perform at the what's that spot that burnt down out here? Normalement, on joue à l'Élysée Montmartre. Yeah. Normalement, on joue à l'Élysée Montmartre. Il a brûlé. C'est ce qu'il vient de dire. Ouais. Ah bah merci Gizmo. Je veux dire qu'ils avaient joué dans un endroit qui a cramé. Et bah c'est ça. Depuis que vous l'avez fait, ça a cramé. Since you played there, it's burnt down. Yeah, I know. But that's what we usually play at all. C'est là où on joue. Burn that shit, motherfucker. C'est vrai que depuis votre dernier passage, on sait pas pourquoi. D'ailleurs, ils savent même pas eux pourquoi ça a cramé. They don't know why it burnt down. Vous venez pas avoir laissé un bout de joint quelque part? Probably insurance. Your insurance? Yeah. Maybe they're saying you left a roach down there somewhere. Yeah, absolutely. Bon, oui, c'est vrai que c'est pas la première fois, évidemment. Il connaît très bien la France, Redman. Est-ce que tu t'intéresses aussi au son français? Do you listen to French hip hop sometimes or music? You know what? I'm familiar with maybe just a little. I was watching a lot of videos last night. Il a regardé pas mal de vidéos de rap français en tout cas hier soir. I see, you know, big up to I Am. Ouais, il aime bien I Am forcément. Big up to Booba. I've been seeing him doing this thing for a long time. Il a aussi vu Booba depuis longtemps qu'il suit. I heard of Ruff. I heard he's locked up. Connais bien Ruff aussi. Yeah. I know some of the older cats, you know, from that early 2000s that started. Il connaît surtout les plus anciens, ceux qui ont commencé dans les années 2000, après en tout cas. Eh ben tiens, on va peut-être passer un de tes sons d'ailleurs, Gizmo. On va voir sa réaction. Tu peux rester un petit peu, Redman. T'es pas prêt? You can stay a bit with us. Are you staying with us for a bit? Yeah, just for a little bit, because we gotta get back to the hotel in like maybe a half hour. Ouais, juste un petit peu. Après, faut qu'il rentre à l'hôtel pour se reposer. Eh ben un petit peu. Tiens, choisis un son à ton avis qui peut faire kiffer. De A à Z. Ok. Voilà, c'est un morceau qui s'appelle De A à Z. On va te le passer maintenant. Ok. So there's a new track called A to Z. We're going to play it now. Okay. There, and you see if you like it. Yeah, c'est un extrait de l'album de Gizmo dans ma ruche et tu vas nous dire ce que t'en penses. You can tell us what you think about it afterwards. Yeah, absolutely. You got the video to it? T'as le clip? No. Okay. That's what's up. Gangsta. Y-W. Hey yo, alcoolique, accoutumé à tout brûler, à bout de force, à bout de nerfs. À nous le coffre, à faux du blé, tape sous le Porsche. Amalgame, à Samgave, passe la niaque, s'il n'y a pas le choix. À l'arrache, ça va de soi. Ah là là, je casse ma voix, y'a de quoi rester bouche bée. Bébé ici, tous B. Des bénéfices, pas de bénévoles, à la rue m'a boosté. Nègre vierge, j'ai fait des centaines de guerres. J'ai galéré des nuits sur Châtelet ou RERB. C'est illicite comme la C, sans cesser. Dans le zoo, on s'assassine ou on part après l'AVC. Et la vie, c'est des décès. Et des funérailles, but des cailles. Mais on s'en remettra, mon père m'a pas laissé glisser. Des bâtards et des traîtres, j'en ai vu en masse en poule. Des coûte que coûte, moi je m'en bats les couilles, vous soyez soudés. Ou je te shoot, ou je te fais les fouilles, il faut pas douter. Coupe le souffle à tous ces bâtards qui sont là pour les défenses de balancer. Détends-toi, les dégons vont bader parce que des faits dans le square. Et quand toi une chante, c'est cadencé. Mes gars sont bluffés, on s'est mis au poker depuis que les dés sont jetés. Mais eux veulent me foncer, me ramener dans des batteries. Les yeux purple foncé, je suis parti pour un casse-pipe, je ne veux pas m'enfoncer. Je suis au fun avec la spip, elle veut me voir pioncer. En tour me prendre un bas, chiche. Et je suis CRF, t'as pas vu ce qui m'en F. La poisse me tend les bras pendant que la chance me met des F. Tout ça c'est dur, les refrains à la trêve. Je pense à mon père, à voir ses taf. J'endors pas et ça me fait yesh, péché. C'est pour ça qu'on fume du H, où tu te caches. Un coup de chlasse, je rentre chez moi avec ton crâne comme un apache. Oh oui, on vit la nuit, Villeneuve c'est pas nuit. Il suffit d'un petit délit pour finir à Fleury. En I sur la bécane, tant pis si ça paye pas. Je m'enlise en ville sans calculer ses pédales. En bas du bloc, dans mon joint c'est de la hit. Et je suis pas stop, mais je viens mettre des points sur les i. When I cut these burgers, man, they some double cheeseburgers. Nigga, I just ate, man, I just ate, boy. I don't want no motherfucking cheeseburger. If you ain't got no money, you just ass out. Man, come on, man, wait, man, I suck your dick. What the fuck you just say, nigga? Man, I said I suck your dick. Come on, man, let's get... J'y pense à chaque fois et à chaque fois j'agis. Basta tes garçons, basta quand je rappe de la magie. Arrache ta gueule, qu'est-ce que tu fous encore ici? Un nique ta mère pour une feuille et voilà ton corps ici. Mes différents sont les cas, trop souvent ils sont sociaux. On veut habiter au chaud et dire tout au nique l'état. Vas-y dis-moi si t'es cap, dis-moi si t'as une lâche cas. J'ai des lames de rasoir jusque sous ma chapka. Un bif et ça fait état, un split et un véga. Que le FN suce ma bite, nique et nique le cacaga. Du pilon sous la semelle, arraché toute la semaine, il me faut du shit, il me faut de la pierre posée avec une femelle. Évidemment qu'elles aiment, vu les phéromones qu'on sème. De meuches de cocaïne, je la vois devenir pleine. Et tu m'étonnes que souvent ils ont la haine. On dit l'ombre à qu'on vole, mais c'est ça les vies qu'on mène, mène. Oh, fait, la rue a fait des fils. Yoni, Willy, Gizmo, t'entends les pneus qui crisent. On est là, mais crois-moi on vise le haut. Non on fait pas de cinéma, on paiera, on vise l'euro. B, à toi et à tes gars, il faut pas ramper. Y'a eu des drames, je me suis mouillé, je suis rentré trempé. Les tapés sous les tasses, poto ça je l'ai fait. Dans la rue je te sors mon schlasse, au micro je croise l'épée. Que dalle sur mon pécule, je suis en manque de cul et d'une. Cousin faut des écus, nique la cape et la sécu. Plane dans les airs, niaque c'est pépère. Je suis dans le PC, fume un P de les aranates, c'est mes frères. Est-ce que la vie est belle, frérot? J'en sais rien, à la prochaine escale, elle aura de l'héros sous les reins. Je veux plus m'endetter, en fait je suis en détresse. Au lieu de dire j'en bats, je fais que m'endetter. Je fais du rap, je vends plus. Mais je suis toujours un garçon. Donc si t'as une bécane, oublie pas d'enlever le U. Et les keufs peuvent me lever. Un coup de fil à mon avocat. Rodka, un yébi, la peine est levée. Bah ouais que je suis un fou de thèse. Bah ouais que je suis un trouble fait. Bah ouais que je m'en bats les couilles. T'as qu'à demander au W. Quand j'y pense, y'a un hic. Je veux des blanches et des bifs. Un bolide, genre un X et un 6. Et les stars peuvent me filer de près. Pour m'avoir dans leur filet, négro j'y vais. Et je m'arrache avec un YZ. Peuvent me filer de près. Pour m'avoir dans leur filet, négro j'y vais. Et je m'arrache avec un YZ. Kizzy Ouzou. Went to the store just to get a beer. Came out and accessed a murder and armed robbery. Funny like that in here sometimes. You never knew what was gonna happen or when. After that, I knew it was gonna be a long time. Gizmo avec nous et avec un invité surprise qui fait grandement plaisir dans le studio de Planète Rap. J'ai un problème avec mon casque. Yes. Alors, good, good song. Yeah. Alright. Oh, no problem, no problem. Redman est en train de se faire un petit bonbon. Alright, as an MC, right? I don't understand the lyrics. Bon, même si je comprends pas tout. Because I don't understand French, but I do hear that he got good flow. Mais je vraiment sens qu'il a vraiment un très gros flow. Très beau flow, vraiment. And it sounds like it sounds like he's spitting something. You know what I'm talking about? Because I heard a lot of vraiment un truc intéressant en plus. I heard a lot of new. I seen a lot of new videos last night, and some of the guys were kind of offbeat a little bit on the tracks. J'ai pu voir pas mal de vidéos hier justement de rap et j'ai vu pas mal de mecs un peu à côté du rythme et tout ça. I hear Gizmo, he's more up on track and more. Lui, il est vraiment carré sur le beat, lui, donc. More punctual on the track, I like that. He's vraiment, like, that's il ponctue à chaque fois le temps, il est très bon quand il rappe là-dessus. Thank you, I appreciate it. That's how math is. I don't understand, but I can understand the feeling. Il ressent vraiment ce dont il veut parler, et puis le coffre qu'il y a dedans, quoi. Toute l'attitude aussi qu'il y a dedans. Il dit aussi que Matt rappe un peu comme ça aussi, quoi. It's good. Sounds good to me. Sounds dope. Ouais, et bah voilà. Vraiment, il trouve ça carré, cool, tout ça fort. T'imagines? Thank you, t'imagines Gizmo un jour recevoir un compliment de Redman, quelqu'un que t'as écouté, dont t'as saigné les albums, les films. C'est fou, dingue. C'est fou, hein. C'est fou, dingue ou pas. Et de nous l'amener en chien. Yeah. Thank absolutely. You, bro. I want to check your videos. I want to see the videos. J'ai envie de voir tes vidéos, j'ai toujours envie de voir, ouais. Yeah. Ok, I hope. I want to see them. Yeah. Donc Redman, thank il est là. You, demain, il y a un concert avec Method demain à Paris. Sinon, qu'est-ce qui se passe pour toi 2015, so Redman? 2015, what's up for you? What's coming up? 2015, I got the Muddy Waters Preload album coming out in March. Yeah, l'album de Muddy Waters Preload qui then vient I got en the mars. Muddy Waters the album coming out in the summer. Et l'album vient en été, Muddy Waters. And then Red MF Blackout 3 album. Et Blackout 3, lui et Method Man. And then we start working at the end of the year on How High Part 2. Et à la fin de l'année, il travaille sur le How High Part 2. Deuxième partie de How High. Mais bon, attends, on l'attend depuis un moment ce film, hein. We've been waiting for that movie for a long time now. Yeah, I know, and we want to tell everybody it wasn't our fault. It's it was basically on Universal to say yes, they want to do it again. En fait, il dit que c'est pas vraiment de sa faute, c'est Universal. Ils attendaient l'autre Universal pour le faire, en fait. Eux, ils avaient jamais vraiment tous les droits du film, donc ils ont dû attendre Universal pour produire le film. C'est compliqué. Yeah, so we couldn't take the movie somewhere else and do it. We have, they own the rights to the Jamal and Silas and the whole. Tous les droits leur appartenaient pas, donc ils peuvent pas non plus aller ailleurs avec. Donc ils ont dû attendre qu'Universal leur dise finalement oui. So now they just gave us the rights. Et maintenant, Universal leur a autorisé justement. I mean, because you know, in between when we did How High. You know, after that, they did the Harold and Kumar movies and all. Après How High, ils ont fait Harold and Kumar, l'autre film. So we let all that ride, and you know, now we in a good space. Ils ont laissé le vent passer, puis après, maintenant, ils sont revenus. Eh bah écoute, on souhaite pour 2015 donc le deuxième volume. Oui, we're looking forward to that for 2015. De Hawaii. Demain soir, en attendant, t'es en concert à Paris. Juste avant de se quitter, petit freestyle, Gizmo, t'es chaud toi ou pas? Toujours. Un peu bouillant pour voir un petit peu, pour expliquer un petit peu à Redman quand ça freestyle dans le studio. Voilà ce que ça donne. I'm a freestyler, so. Oh yeah. Yeah. Go ahead, do it. I'm gonna make a beat. If you want to kick it, just do it, man. Oh yeah, you gonna make a beat? Yeah. He got a beat right there. I thought you was gonna freestyle. This is my DJ. Sim, dédicace mon gava. On meurt pas même sous les gravats. Ah ouais. Gizmo. JP Gang, man. JP Gangsters. Ouzou. Check. Check, moi. Yo, char de mon zoo avec un zoula à la bouche. Pas de ceux qui se foutent droit à la chenouf. Moi je me soulage à la douce, on passe du courage à la frousse. Tant de frères qui nous ont quittés, gangsters souvent impliqués dans le stress et dans les cités. Et quand père j'essaye d'exister sans faire de débilité, je dis ça parce que j'ai fait rire, mes grandes bières et nécessité. On n'a pas le temps à tout vous dire, on crame l'Afghan, ça taf quand vous pensez, mais qu'à coup sûr on passera devant, dites-moi. Où sont les fils de chelac, j'arrive et que je pisse mon venin sans arrêt, on vise de ce cas, je veux plus que ce dont j'ai besoin. Ouais, c'est toujours luxe, toujours flousse pour bruxe, toujours frustré, le tout pour le succès. Bédave mon spleen, nous repousse au lendemain. Tu t'interroges sur mon trip, je te raconte que quand je reviens. Wow, wow, on en est où? Gros flow, rendez-vous. Trop haut, je leur afflige des beaux vols, ils sont les coups. Gang. Nice. Red man, Gizzy Ouz, gang. JP Gangs, man. Woo! You bringing in another beat? Yo, what are you doing? Want another beat? What do you mean, beat? Okay, bring another beat. Let me give us two more shit. 1-2-1-2, gangsters, JP gangsters, man, yeah, red man up in the building, yo, Gizmo up in the building, oh, yo, Jersey man. In the building, yo, I'ma do it like this, we gonna do it like this, okay. Yo, get him. Yo, I rode the blunt with crushed D's and cocaine, with acid, PCP, hash, and propane. Now I'm a live wire trying to revive the dying to do one last episode of Soul Train. Heat like the bro James when the mic's on. Can't stomach the flow, you better try Tom's. I'm out of here and not even a life form. My Ray-Ban lens got the Twitter icon. I bully the bullies around the playground to help the kids bring the suicide rate down. I'm a bad influence to all school students that have your class look like a scene from 8 Mile. My wifey don't trust me and I don't blame her, cause like a dumb blind woman, it's a no-brainer. MCs prepare for fourth world war, the bomb out of my arm jetting like Joe Namath, nigga. Red man in the building, yo, Gizmo in the building, yo, Method Man in the building, yo, Death Squad in the building, yo. Oh shit. Gangsters, JP Gangsters, man. Yo, I ain't got that much time up in here or whatever, but yeah. Yeah. Yo, go ahead, Giz, get it, Giz. One more for Giz, one more, let's get it. He the young one, let's get it. Yo, Gizzy Uzu, Sissy Cuckoo. Yo, jiggity check, biggity bang, man. Gangsters. Check, check. Yo, sors de mon sou avec un zoula à la bouche. Le monde, j'ai pas de patience, les portes se font, les gars de ma bande, je tords le son, les portes sont mes fers, mais on a de l'avance, on passe par la fête que néguette, en j'lasse, tu nous regueux, mais gueule, Elias, faut qu'on brasse, si tu me calmes, bah je regueux, vie comme un renégat, scred dans mes déplacements, traîne qu'avec des casses, on se missie à des patents, je pense que la vie est belle, quand elle a taillé sa pipe, gros un gros cul, putain, j'ai oublié d'appeler la spip, je suis dans ma sphère, génération 91, piaf, picrave, on a du taille, pas besoin de course, j'ai prié avec toi, ma vie est avec moi, on a la haine comme dans la spoil, cousin, ma cité va qu'écras, on est assurés dans nos baskets neufs. Si c'était lire ce qu'elles veulent, elles auront parce qu'elles veulent Ligo. Je leur touche pas si elle a pas de pute, se fait sième. Casse les aides, moi je me fais sa belle sœur Rigo. Envoie les feuilles, je vais nous rouler un delta plane. Laisse tomber ton vieux lardi, parle de seum, il fait de la caille. Gang. Gizmo was tight. Yeah, this is tight. I like it. À l'instant, en live, Gizmo like et Monsieur Redman. That's right, that's right. Legend in the building, baby. C'est la communion ou pas? Ah, c'était la communion avec Redman. En tout cas, merci d'être passé dans Planet Rap ce soir. On s'est fait pressé. Thank you for being here tonight. Come on, that's nothing, man. Sorry it was last minute. You know, I was doing some shopping earlier, but I'm glad I made it down here. I want to let y'all know that thank y'all for supporting Red MF2. This is our first year being independent off of Def Jam. Thank y'all for supporting. In over 20 years. C'est la première fois qu'on est indépendant. Maintenant, on est sur Def Jam. So thank you for that. Et donc, l'aventure continue. Yeah. Life goes on now. Yeah, absolutely, absolutely. Absolutely. Et alors, les plantations françaises sont bonnes ou pas? So the French weed, how's it going? Oh, the French weed is good, and I want to shout out my boy Little Freddy. Je veux dire bonjour à mon pote Little Freddy. That's my homie right there. Little Freddy, I'm looking for him too. Little Freddy, if you're around, holla, I'm out here, man. You already know my email, man. Lil Freddy, si t'es là, tu connais mon email. Donc, hein, et bon, salut. Merci en tout cas, Redman. Thank you very much. Demain soir. Ah, je crois qu'il a perdu un truc, Redman, qui est tombé de sa poche. Hold up, it's another group I saw out here last night on TV. Hold up. Il y a un autre... I want to definitely check his videos. J'ai vraiment envie de voir la vidéo de Gizmo, mais il y a aussi un autre groupe que j'ai vu hier soir à la télévision. Là, je suis en train de chercher. Gangs. Yes. C'est marrant parce qu'il note tout en plus. Gangs, c'est marrant, right, t'as noté sur. Jim Axel Boy, Cyclips, Gangsters. Vous connaissez ce groupe? Alors attends, fais-nous voir. C'est sur une chaîne de rap. Où est-ce qu'il a chopé? Ah, c'est Big Flo et Oli. Ah. Big Flo et Oli, les deux petits gars. Yes, yeah. Mes gars, eux. Big Flo et Oli. They're called Big Flo and Oli. Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, ouais. Yeah, big up to Big Flo and Oli, man. Yeah, I seen them, these videos. Yeah, they started off with the cool, with being cool, then they jumped out of. This is, they doing some hip hop. I like that. Two brothers. Leur hip hop, ils ont commencé la vidéo. Rapping together. Yeah. Yeah, they got a little skill. Yeah, they got some cool. Ce qui est assez fou, c'est que en fait, il enregistre son portable. Donc, c'est-à-dire que quand tu voyages, quand tu vois des clips, tu les prends. You record your cell phone. So basically, that what you do when you're on tour. You just record stuff with your. I don't, when I go to a city, I like checking out the MCs. You know, especially Paris. Like Paris is a humongous hip hop, you know, community, and you know, they've been banging out for years. You know, big up to Lord Jazz. That moved from the States out here. I think he moved back to the States, but big up to Lord Jazz. He helped, you know, that you know, plug in that you know, that Paris hip hop too with the US hip hop as well. Like big up to I Am, you know, they got Red and Meth on a joint like long time ago, you know what I'm talking about? C'était ce morceau d'ailleurs, on l'a le morceau en effet avec I Am, c'était le morceau. Chaque fois qu'il voyage en fait, il regarde ce qui se passe dans chaque pays, surtout la France qui a beaucoup d'amour pour le hip hop, et il parle de Lord Jazz justement qui est venu ici maintenant en France et qui a introduit le hip hop ici, et de I Am forcément. Yeah, so like I said last night, I was watching a lot of videos. I ain't see his video come on. Maybe I missed it, but I'm gonna watch it tonight. Wait for his video. I'm gonna pull his video up on YouTube, see what he about. I like his style. I like Gizmo. I like his attitude. I like the attitude he got. It's just like, don't give a fuck. I'm here to spit. En tout cas, il adore le style de Gizmo. Du coup, il va checker sa vidéo sur YouTube parce qu'il l'a pas vu hier soir avec sa vidéo, mais il va checker ce soir encore. Big up to what that Big Flo and Ali. I saw their video last night and I wanted to record it so I can remember their name and shout them out too. So big up to Big Flo and Ali. Big up to my boy Lil Freddy. Big up to Booba. Big up to Ruff. I know them cats from the days. Ah, donc il passe un big up à tous les rappeurs français qu'on a entendu, qu'il connaît depuis assez longtemps. Et nous, on passe un sacré big up. Merci en tout cas. Thanks very much for being here. Thank you very much. Anytime, yo. Thank you, B. Hey, yo, I just want to let you know Wu-Tang dropped their album December 2nd. Method Man, mixtape he working on, it's called The Meth Lab. Donc Wu-Tang a sorti un album 2 décembre. Method Man aussi, et bientôt dessus. Also, Eric Sermon just dropped a new single too. I forgot what it is, but you can pull it up on iTunes. Eric Sermon aussi de sortir un single. And Ghostface Killer just dropped his album too. Ghostface, my brother E. Sermon. And check for the Muddies, Muddy Water 2 preload album in March, and the Muddy Water 2 album in the summer. Okay, y a la mixtape Muddy Waters en mars, et à l'été y a l'album qui sort, Muddy Waters. Thank you, Redman. Absolutely. Thank you. Hey, yo, much. Can y'all holler at me too? Holler at me on Twitter. I'm on Twitter at the Real Redman. Ah, donc il demande à tout le monde de dire bonjour sur Twitter. Donc vous pouvez retrouver sur Twitter et bonjour là-dessus. And on Instagram, I'm at Redman Gilla, G-I-L-L-A. That's Redman G-I-L-L-A. Redman Gilla sur Instagram. G-I-2-L-A. Voilà. Ok, moi on ira dessus. Juste ajouter tu voulais ajouter un truc, quoi, Gizmo? Ouais, j'ai bossé avec Carmouche sur l'album qui a méga bien mixé ça, et je suis hyper fier. Eh ben merci en tout cas, merci à vous. C'était une belle surprise. Thank you, Redman. Encore merci. Yes, I'm here, man. Ouais, yeah. Encore merci. Yes, sir. Thank you. Et demain soir, en concert à Paris avec Méthode au Cabaret Sauvage. On fait tourner la roulette avant de se quitter, c'est parti. Skyrock t'offre la nouvelle compil Urban Music non-stop, plus des chèques cadeaux de 80€. Avec Hugo de Dijon, salut Hugo. Salut, ça va? Yes. Ça va et toi? Tu entends ces surprises? Planète Rap de Gizmo, Redman qui nous a rejoint. Gizmo, tu fais du lourd, c'est bien. Merci, Redman aussi, frérot, voilà, t'es un tueur. Et bien, continue comme ça, c'est du lourd. Hugo, tu es prêt à faire tourner la roulette? Ouais, je suis chaud. It's a game, the roulette. Yeah. Skyrock roulette. Oh ouais, nice. And he says stop, and he win. Dès que tu diras stop, Hugo, tu win, et bien tu win. Eh ben voilà, 80 euros en bon d'achat. 80 euros en bon d'achat avec en plus l'album Skyrock Urban Music Non-Stop. C'est pour toi, Hugo. Gizmo, viens de Strasbourg. Yes, you win. He won. Merci beaucoup, frérot. He won 80 euros gift voucher and an album. Yeah. Wow. Album. Nice. Gizmo. Ouais, mon gars. Viens sur Strasbourg ou sur Dijon. Viens foutre le bordel. Vas-y, je vais passer. regarde. Tu fais quoi? Réserve une pochette, 15 grammes de bœuf, 2-3 taspés. Voilà. DNKen, j'arrive. Voilà, écoute, vas-y, c'est déjà là, viens quand c'est tu C'est dans veux, la setlist de Gizmo quand vous voulez le recevoir à la maison. Maintenant, vous savez ce qu'il faut. Ça a été donné à l'antenne. Merci à vous tous. Merci Gizmo pour cette soirée. Merci à vous, Démon qui était là. Et une fois de plus, merci à notre invité d'honneur. Merci à Démon. Mon bébé Salim, il a même pas rappelé aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et ben, on fera ça demain ou après-demain. Ouais, tu connais. Et à mon frérot aussi, Dimax, qui était là à côté de moi, qui aurait pu choquer tout hier. Il a choqué du monde. Ah ouais, et on le retrouvera dans la semaine. Au quartier, il a choqué du monde, Igo. Et bah, loupez pas. Voilà, demain. Prêt à tout le monde. Willy le Barge. Le retour. Lely, Alimi. Entre 20 et 21. Guise nous l'a pas mis, ce cousin. Et on va retrouver D-Fool maintenant. Il y a eu du monde ce soir, Fredo. Emmanuel, et grosse dédicace à Emmanuel de Burtel. Ah, Manu, ah bah oui. Ouais, à Emmanuel de Burtel, qui a toujours cru en moi. Si vous pouvez tous applaudir, bravo. Et le chéquier est ouvert, n'importe quel artiste, on le signe. Attends. Bon, merci à vous tous. Un gros dédicace à la Marie qui vient dans tes locaux juste parce que je suis trop sexy. Il faut faire une photo avec Redman. Thanks. Ouais, je pense que c'est pour la photo avec Redman. T'inquiète pas, c'est moi. On a vu courir. À Marie dans Planet Rap. Marie, elle est là, bloquée dans un coin de porte, elle essaie de se planquer. Eh ben merci Gizmo, demain soir. Bon ici. On l'a entendu à la radio. Notez bien la phrase de Redman qu'il a sortie dans l'interview de Planet Rap avec toi Gizmo et avec toi Fredo. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans une radio où ça fumait comme ça. Merci Redman, ce sera la déclaration de la soirée. c'est ça qui est bon. Mais écoute, ils font la même chose. Ceux qui t'écoutent, ils font ça chez eux, frérot. Ça leur fait plaisir d'entendre ça. On sait pas. Ah bon? On sait pas. Bon, merci Gizmo en tout cas. Merci à vous les frérots. Demain soir, le retour de Planet Rap. Une grosse semaine avec plein de surprises. Et des surprises à toi. À pas loupé. Hellboy, Cyclips, D-Max, JP Gangs, mais. Eh ben Gizmo, à demain. JW jusqu'à l'infini, à demain les mecs. À demain, ciao. Et dans un instant, Fredo. Le retour. Oui, Radio Libre. Black M. Et Black M aussi, ouais. Terrible. Radio Libre, Black M, un extrait de la réédition de l'album de Black M qui cartonne. C'est un peu la folie. Gros carton énorme. Et en tournée avec Skyrock dans toute la France. Black M, on se fait du mal, c'est pour démarrer la soirée. Et on vous attendait maintenant 01 53 40 30 20 pour passer une bonne soirée tous ensemble. Allez-y, 41 759, l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos messages, on mate tout ça dans le studio. On écoute Black M tout de suite et on donne rendez-vous à Fred et à Gizmo demain dans Planète Rap. Salut Fredo. Ciao. Tous les matins sur Skyrock, il se passe plein de trucs, de l'aventure.